Moi je passe quoi par la table, j'ai les mains trop sales. Tu veux qu'ambiance reste stable, évite que je m'y installe. En plein cliché, en termes couché, moi j'y croyais, je l'ai nommé. Stop, c'était Satan. Encore lui. C'est une fois de plus que je me réveille. À quelques heures d'un cas fermé. Allez, remballe, moi j'ai sommeil. Qu'est-ce qu'elle est belle, une vraie merveille. T'en rêves la nuit, mais quel ennui. Au plus de joli, t'as rien compris. Dans les poubelles, je trouve des bijoux. Pocot, ma peine, Ouagadou. Vas-y, fais le fou, il te reste que ça. Et plus de façon, toi, tu t'en fous. Tu es rouillé, t'as tout caché. Ça y est, mon gars, t'as tout compris. T'es sûr et tout dans les pareils. Ton regard vit ta peau de c'est plus en dedans, c'est plus en dedans. Et droit dans le mur, je vais en riant. Sans parachute, la chute perdure. Marcheur en l'air, la vie bien dure. La formule est plus cool. Avant on était plein, on s'y voyait, on s'imposait, on s'explosait, on était bien. C'était avant, avant c'était toujours. Plus précieux que l'air, plus vicieux qu'exemplaire. De base, sans s'en joint un scandale. C'est une vie de caché pour de la musique. Un mandat de trahison mérite salaire. Devant la cave, toi je l'aime. Moi qui croyais au nos futurs, seul comme un con car la vie dure. Nouvel appart en vue sur mer. Je mets des toiles sur la en termes poussés.